Alors, bonjour à tous. Mon nom est Luc Desormeaux de C'est juste un autre podcast. Et avec moi, Simon Lefebvre. Salut. Salut, Simon. Aujourd'hui, on va vous faire la critique du film Captain America, The First Avenger. C'est un film de Paramount Pictures avec Marvel Entertainment. Le film sort le 22 juillet en salle au Canada et aux États-Unis. Donc aujourd'hui même. Donc aujourd'hui, la journée qu'on enregistre le podcast. Si vous écoutez le podcast dans deux semaines, ben ça fait deux semaines qu'il est sorti. Ça met en vedette Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving et Hayley Atwell. Chris Evans est dans ce film-là Capitaine America. Puis il fait quand même, là, moi j'ai trouvé qu'il faisait bien son rôle. Le film dure 124 minutes, donc 2h04 environ. Donc ça présente l'histoire de Capitaine America. Ça colle très bien, là, à mon avis, à l'histoire qu'on connaît de Captain America. Personnellement, j'ai jamais été un grand fan des comic books de Captain America. J'ai plus été Spider-Man, Batman, X-Men, Superman. Pas vraiment beaucoup Captain America. Je connaissais son histoire, mais ça a fait du bien de le voir au grand écran. J'ai trouvé que le film était très bien. On commence dans les années présentes, là. Il retrouve le bouclier de Captain America et Captain America enterré dans la glace. Puis après ça, on voit l'histoire de comment ça s'est passé. Si vous avez lu les bandes dessinées, si vous avez vu certains dessins animés qui présentaient Captain America, dont certains animés assez récents, là, les Avengers ou des choses comme ça, vous connaissez déjà probablement pas mal l'histoire en général. On rentre dans les détails. Bon, il y a le méchant qui est Crâne Rouge ou le Red Skull, qui est joué par Hugo Weaving, qui fait un travail très bien là, dans ce film-là. J'ai trouvé que le personnage était crédible. Moi, j'ai trouvé que c'est un très bon film. Simon? Oui, en effet, moi aussi, je suis d'accord avec toi. J'ai bien aimé le film. Il va y avoir un petit point que je vais ajouter à la fin que j'ai pas aimé. Mais en gros, en général, au niveau de l'histoire et autres, j'ai bien aimé ça. Qu'est-ce que je peux rajouter? T'englobes pas mal, vraiment, même mes points à moi là, en tant que tel. Au point de vue technologique, par contre, ce que j'ai aimé, ce qu'ils ont fait avec Chris Evans, surtout au début, parce qu'il fallait aussi qu'on mentionne que ceux qui nous écoutent présentement, il y a des risques qu'on puisse émettre des spoilers et on puisse dire des bouts de films. On va essayer de pas trop le faire, mais c'est quand même, ça peut être un peu difficile de pas vendre la mèche sur certains points du film. Mais on va essayer fort de pas trop vous donner de détails dans le film, là. Mais par contre, il est déjà sorti, donc j'imagine que les gens vont déjà courir aux salles pour faire en sorte que ça doit être quand même un bon box-office pour ce week-end-là. Ça devrait quand même ramasser pas mal d'argent. Oui, je pense que ça va être le plus haut de ce week-end-là. Le budget là, du film, ça a été 140 millions de produits. Ils vont rentrer dans leur argent. Ils devraient être capables de rentrer dans son argent oui. Si ça sortit en DVD. Ce que je voulais dire, c'était au niveau de la technologie qu'ils ont utilisée, de façon à ce que Chris Evans, au début, vu qu'une fois, comme tu mentionnais, on est dans le présent, mais ils font un retour après ça dans le passé, puis ça se passe le film essentiellement dans le passé, ils font un retour à ce que Chris Evans était chétif, était vraiment très maigre. Mais ouais. Ils ne peuvent pas faire ça avec Chris Evans, qu'on sait qu'il est bon, bien baraqué pour les dames, donc beau bonhomme et... quand on le voit, ça fait vraiment un impact surprenant. On sait que c'est du 3D, mais on sait aussi que c'est bien travaillé avec l'application, mais c'est bien fait, là. Ça, c'est un bon point fort là, que j'ai aimé. Oui, le film est le fun. J'ai aimé voir justement Steve Rogers essayer de rentrer dans l'armée autant qu'il pouvait au début du film. Puis il est tellement petit, puis tellement maigrichon, il se fait virer de bord tout le temps jusqu'à temps qu'il rencontre le professeur qui va l'aider à devenir Capitaine America. Qui va lui donner sa chance. Qui va lui donner sa chance dans l'armée, puis qui va finalement croire en lui parce qu'il est une bonne personne dans le fond. Puis c'est la personne qu'il recherche. Les effets spéciaux, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien faits. On croit pas mal à tout ce qu'on voit à l'écran. C'est pas trop... poussé. Il y a certaines choses poussées, là, comme le tank géant à un moment donné qui tire dans la ville est assez énorme, là. Mais ça, c'est impressionnant, pareil. C'est impressionnant. C'est très bien fait. C'était bien, là. Mais c'est une des choses irréelles. C'est sûr qu'il y a des affaires poussées un peu dans le film. Là, mais c'est une bande dessinée. Ça vient d'une bande dessinée. Mais ce qu'on voit, on le croit. C'est pas... Ouais. On n'est pas là à regarder le film et dire « Ah, ça, c'est un effet » ou « ça, c'est un effet ». On peut vraiment... Ça se fond pas mal dans le décor avec le restant. Oui, je suis d'accord avec toi. Les couleurs sont vives. J'ai trouvé que c'était un film qui était beau à regarder. Oui, pas sombre. Même oui. s'il est en 3D. C'est mon point. Ils ont sûrement travaillé pour surexposer, pour mettre plus clair que ça aurait dû être si le film aurait été juste en 2D, parce qu'on sait que le 3D, ça assombrit le film normalement. Puis j'ai pas trouvé qu'il était trop sombre. J'ai trouvé que les couleurs étaient quand même assez vives. C'est un point que tu amènes au niveau du 3D qui est ma bémol, en fait, qui fait en sorte que j'apprécie un peu moins le film. Moi, on va pouvoir en parler tout de suite, et donc vous allez le savoir pour les prochains podcasts et autres enregistrements. C'est-à-dire que pour moi, le 3D, c'est bien important que ça ait une moyenne. C'est-à-dire que oui, ça doit m'épater, je dois avoir des choses qui vraiment me donnent un impact à ce que je bouge de ma chaise. Et autre que toi, je crois que c'était plus un effet de profondeur que tu aimes ouais. dans les films 3D. Moi, j'aime beaucoup plus quand ils essayent de me donner un effet de profondeur qui s'attarde à essayer de me pitcher des affaires d'en face. Me faire pitcher des morceaux d'explosion. Oui, c'est le fun une fois de temps en temps, mais ce qu'on essayait de faire toujours dans l'ancien 3D, là, c'est qu'ils sortaient un bat de baseball qui venait vers nous autres. Ils sortaient une fourche qui venait vers nous autres. C'était vraiment de la gimmick juste pour montrer, regarde, on est capable de te mettre des on affaires d'en face. Okay. On est en 3D. Un effet de profondeur, je trouve que ça donne comme une espèce de notion de grandeur ou d'espace de la pièce ou ce qui se trouve. Quand il essaie de se sauver d'un laboratoire à un moment donné, puis on voit que tout est en feu, puis qu'on voit vraiment une profondeur, puis on voit comme une distance entre les deux plateformes, j'ai trouvé que c'était bien utilisé. Mais c'est ça, fait que c'est là que toi, tu aimes ce genre de 3D-là. Moi, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire, oui, j'aime ça, mais il faut que moi, j'ai des choses qui me reflètent un peu pour épater moi un petit peu, parce que ça s'en vient donc trop 3D pour moi, que je me dis, est-ce que je pourrais le voir en 2D et ça ferait une différence? La seule chose que j'ai aimée du 3D, il y a une passe à l'intérieur du film qui est vraiment venue me chercher. Alors, je la laisse aux auditeurs... le soin de le découvrir par eux autres mêmes. En allant voir le film, parce qu'elle nous a fait sauter tous les deux. Exact. Les deux, on a réagi à ça. C'est ça. Fait que c'était quand même bien. Fait ça que a été là, intéressant, oui. Mais ouais, ça a été intéressant. Pour le reste, c'est ça. Fait que j'aurais pu moi-même passer du 3D puis apprécier le film autant, parce qu'il est bon. Il explique vraiment qui est maintenant. Ils vont savoir qui est Captain America, ceux qui n'ont jamais lu les bandes dessinées. Ouais. Je trouve qu'ils ont bien fait ça. Là. Parce qu'ils ont présenté le film finalement pour un nouveau public. On n'était pas nécessairement le public cible en allant le voir, nous autres, parce qu'on connaissait l'histoire. Non, ils visaient peut-être aussi les enfants. Les enfants. Fait que les gens plus jeunes qui n'ont pas connu Captain America, qui n'ont pas lu les bandes dessinées, vu plein de dessins animés depuis les dernières années, peuvent arriver là, puis c'est vraiment le film qui va leur présenter le personnage, qui est quand même assez important parce que Captain America va être dans le prochain film des Avengers qui s'en vient. Et qui s'en vient le 4 mai 2012. C'est quand même, ça paraît loin, c'est quand même pas si loin que ça. Ah. Fait qu'il va venir dans les Avengers, donc ça va être un des personnages clés des Avengers, il est quand même assez présent. Fait que c'est bon de connaître son histoire. Moi, je vous conseille d'aller le voir au cinéma. C'est un film qui se digère bien là, sur grand oui. écran. Ça se voit à la maison très bien aussi quand il va sortir en DVD, mais c'est un film qui est beau à regarder. Les décors sont beaux, il y a de la neige par bout, il y a de la jungle par autre bout. Moi je trouve que ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour le voir. C'est pas tous les films de super-héros qui valent la peine, celui-là je pense qu'il vaut la peine. Moi c'est une belle sortie. Alors on se lancera pas nécessairement à donner une note pour ça. On va plus aller vers Est-ce que d'après toi, c'est un film à voir? Oui, c'est pas un film pour moi, là. C'est pas un film à voir absolument. C'est pas un film que si tu vois pas, tu vas avoir manqué quelque chose dans ta vie. Non, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, là, mais c'est très passable. Donc oui, pour moi, c'est à voir. OK. Je te dirais même que c'est un film là, que je pourrais revoir avec toi en DVD là, chez toi. Là. OK. C'est un film que tu regarderais une deuxième fois si ouais. l'occasion se présente. Ouais. Si je te dis, tu viens-tu chez nous un soir, on va regarder Captain America, tu me diras pas non, faut que je me lave les cheveux. À moins que mes cheveux soient sales. OK. Fait que c'est un film à regarder, tu le regarderais une deuxième fois. Oh oui, je conseille aux gens là, d'aller le voir ce film-là. Là. OK. Donc, on vous conseille d'aller le voir au cinéma si vous pouvez. Sinon, comme beaucoup de gens sont occupés, si vous sortez, si la journée qui sort en DVD, on vous conseille fortement de le louer puis de le regarder. C'est un film qui se regarde très bien puis vous allez sûrement apprécier si vous aimez les films de super-héros. Un bon divertissement. Un très bon divertissement. Donc là-dessus, merci Luc. Merci Simon. Et on se revoit ou on se reparle la prochaine fois. À la prochaine! À la prochaine!